14h passées de 2 minutes, Michel Lécoux jusqu'à 16h pour ses succès de France, chanté à l'instant même par l'orchestre de Michel Prévost. Je rappelle le site pour écouter la radio en direct pour les internautes. www.radio-arc-en-ciel.fr. Bonne écoute de nos émissions. Et on démarre tout de suite cette émission de ce lundi avec Luis Mariano, et ce sera La Belle de Cadix. Aïe aïe aïe, chica chica chic, aïe aïe aïe, chica chica chic, aïe aïe aïe, ne veut pas de namas. La belle de Cadix a les yeux langoureux. La belle de Cadix a beaucoup d'amoureux. Trois lignons de cristal, tu les miens, son rival, tu as l'autre les rues. Et Pedro le matador, vous n'aimez plus à court, donne-lui sa fortune. Malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix ne veut pas de Namas. Chica, chica, chic, aïe, aïe, aïe, chica, chica, chic, aïe, aïe, aïe, chica, chica, chic, aïe, aïe, aïe, ne veut pas de Namas. La belle de Cadix est partie un beau jour. La belle de Cadix est partie sans retour. Elle a dansé une nuit dans le monde, une bruit, toutes les séguinillas. Et par un beau clair matin, elle a pris le chemin qui mène à Santa Viria. La belle de Cadix n'a jamais eu d'amant. Chica, chica, chica, aïe, aïe, aïe, chica, chica, chica. aïe, aïe, aïe, tika, tika, tika, aïe, aïe, aïe. Joséphine s'en va, Joséphine s'en va, elle est remplacée par, j'ai perdu, Qatari, et c'est Lucien Dalmas. Et c'est parti. Je courrai pour toi droit au trépas.

avec l'heure où l'on s'enlace, celle où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. L'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'heure où l'on s'enlace, celle où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. L'histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour. Qui viennent nous voir dès le premier soir, on fait visiter vivement les monuments, on leur présente, c'est solennel, la tour Eiffel, la colonie Napoléon et le Panthéon. Ils paraissent ravis, mais à mon avis, c'est pas ça qu'il faut leur montrer, c'est pas ça qu'ils ont espéré. Ils veulent voir dans la rue de la paix les trottins aux jolis volets, les galeries, les boulevards, les petites et les bars, et le coin mignonnet qu'on connaît, le Châtelet. Oui, voilà ce qu'ils ont rêvé, et c'est ça qu'il faut leur montrer. Souvent, pour les intéresser, on se voit forcé de leur dire, venez à l'opéra, ça vous plaira. Puis on les emmène aux Français voir un succès joué par le doyen Solanel et Mme Sorel. Ils trouvent tout joli, ils sont si polis. Et c'est pas ça qu'il faut leur montrer, c'est pas ça qu'ils ont espéré. Ils veulent voir soir au casino et des petites femmes recto et verso et des tableaux en talons, des costumes affolants, des sans-voir à auto, des seins roses et des tas de choses. Oui, voilà ce qu'ils ont rêvé et c'est ça qu'il faut leur montrer. On les mène boulevard Saint-Germain, baiser des mains, saluer tous les... C'est pas ça qu'il faut leur montrer. Encore un Jean, c'est un grand nom, enfin c'est pas ma faute, je veux pas être vrai. Des verbes luisant toujours rasant, puis des députés sortant de la santé. C'est pas ça qu'il faut leur montrer, c'est pas ça qu'ils ont espéré. Ils veulent voir sur le Cérasto les petites mômes avec leurs costauds. Montparnasse, les hôtels, les Langes, Gabriel, par José, Becker et Fischer, le ciel et l'enfer. Oui, voilà ce qu'ils ont rêvé, et c'est ça qu'il faut leur montrer. Pour toi ma belle fleur d'amour, près de paysanne. Prends bien garde au pas pour moi peur. Rita, ma gitane, ne laisse pas prendre ton cœur. Des bohémiens de passage devant les gens du pays dansent sous les frais de la place du village. Quand parurit à la brûlée, tous les cœurs furent séduits. Pour la revoir au clair de lune, on se glisse dans la nuit. Rita, ma gitane, pour toi ma belle fleur d'amour, près de ta caravane, on rêve en attendant le jour. Si pour tes beaux yeux on se donne, prends bien garde au propre menteur. Rita, ma gitane, ne laisse pas prendre ton cœur. Craignant le galant hommage comme un piège redouté, Rita, bel oiseau sauvage qui ne pourrait vivre en cage, aimant la vie vagabonde, ivre d'air de liberté, repris sa route par le monde, laissant les échos chanter. Rita, ma gitane, pour toi ma belle fleur d'amour, près de ta caravane, on rêve en attendant le jour. Si pour tes beaux yeux on se donne, prends bien garde au pas pour mon cœur. Rita, ma gitane, ne laisse pas prendre ton cœur. Dont ce refrain berceur léger comme un parfum de fleurs, c'est un passant qu'un beau jour grisa le regard de Nina. Rien ne répond à son chant joyeux, mais bas qu'importe à l'amoureux qui sous la lune aux rayons bleutés se remet à chanter. Dormez bien mon amour d'un sommeil sans trêve et bercé jusqu'au jour, faite de beaux rêves. Vers le ciel de minuit ma chanson s'élève pour vous dire bonne nuit. Dormez bien ma mie. Mais la blonde enfant, malgré ses 20 ans, ne veut pas donner son cœur. L'amour lui fait peur. Oh, si le doux chant, si pur, si touchant, avec des accents calants, lui murmure-t-il en vain. Dormez bien, mon amour, d'un sommeil sans trêve, et merci, Jésus.

qui fut perdu juste à ce coin de rue. Et depuis, j'ai beaucoup voyagé, trop souvent en pays étrangers. Monde neuf, construction et démolition, vous me donnez des visions. Je crois voir mon coin de rue et soudain apparu, je revois ma palissade, mes amis, mes glissades, mes dessous de muguet de printemps, mes 15 ans, mes 20 ans, tout ce qui fut et qui n'est plus, tout mon vieux coin de rue, tout mon vieux coin de rue. Ce jour-là au bois de Chaville. Eh ben, le bois de Chaville, il n'y a plus de musique en ce moment. Alors, on va pas parler du bois de Chaville. On continue juste l'émission, 14h passées de 31 minutes. Je précise bien que c'est la nouvelle heure. Hein. Oui, c'est. Et c'est changé partout. Je suis surpris, mais enfin, c'est comme ça. 14h38. Exact. J'ai plusieurs pendules, je vérifie quand même. On va continuer tout ce qu'on a commencé tout à l'heure, n'est-ce pas? Avec. Je sais plus où j'en suis, hein, une espèce de rigolo qui est à côté de moi. Souvenir, Charles Trenet. Thank you.

Et on va continuer, 14h passées de 41 minutes. Je vous rappelle qu'après moi, c'est-à-dire par 16h, vous avez rendez-vous avec Francky Lagrande. Une méchanceté, la grande gueule de Radio Arc-en-Ciel. Il le sait d'ailleurs. Pour son émission After Job. Tu connais pas ça pour faire d'anglais. Après le travail. Voilà. J'ai traduit. Eh bien, on va continuer notre musique. Nous, nos chansons anciennes également. Paris se regarde et c'est Francis Lamarck. Que voici, que voilà. Et qui veut pas démarrer tout seul. Paris se regarde briller dans le miroir glacé de la Seine tranquille. Paris se regarde grandir dans les yeux d'un enfant, dans son premier sourire. Paris regarde s'éveiller ses maisons qui s'allument au matin une à une. Paris se regarde flâner dans le monde inventé par le cœur des poètes à la ville comme à la Seine. Paris s'habille de poèmes. Paris s'écoute chanter ses merveilles toujours d'une chanson d'amour. Paris, monsieur de la Palisse dirait que chaque année il a un an de plus. Paris, quand il se voit poser à cheval sur la Seine, pense qu'il a eu de la veine d'avoir grandi tout doucement autour de Notre-Dame qui lui prête son âme en chantant un jour de gloire. Paris a changé son histoire. Paris qui s'est mise en colère a fait trembler la terre par la voix de Gavroche. Paris qui n'a pas oublié se souvient de tous ceux qui lui ont tout donné. Paris, même s'il a pris du ventre à garder sa jeunesse, il en a à revendre. Paris se retrouve partout et les gens de partout se retrouvent à Paris. Et Paris, qui adore les chansons, fait chanter tous ses accordéons. Connaissez-vous l'hôtel des Trois Canards? Il est dans un petit patelin quelque part. Comme c'est le seul qu'on puisse y dénicher, malgré soi, il faut bien y coucher. Y'a pas de garage, il faut ranger l'auto dans une étable entre une vache et un veau. Et par les trous qu'il y a dans la toiture, les pigeons déshonorent votre voiture. Dans votre chambre est un vieux lavabo, mais le malheur c'est qu'il n'y a pas d'eau. Et pour se débarbouiller le matin, faut descendre à la pompe du jardin. Connaissez-vous l'hôtel des Trois Canards? Y a des souris qui trottent dans les placards. Heureusement que pour venir les chasser, sous chaque porte un gros chat peut passer. Dans votre lit y a des draps rapiécés et du sommier les ressorts sont cassés. Quand on se retourne, ça fait un tel bruit qu'on n'ose plus remuer dans la nuit. Comme dans la cour y a aussi la basse-cour, un sacré coq vous réveille au petit jour. Encore endormé mais de l'église à côté, y'a la cloche qui vous fait sursauter. Connaissez-vous l'hôtel des Trois Canards? Dans la commode, on y trouve des cafards. Y'a pas de rideau, les volets ferment mal. Dans la fenêtre, il faut mettre un journal. Mais le plus beau, c'est le moment du repas. Tout ce que l'on veut, c'est réglé, y'en a pas. Si vous demandez une friture de goujon, on vous sert une omelette à l'oignon. Comme la fontaine est très loin dans le pays, et que la patronne a faim de faire son frichti, avec un seau va puiser dans une mare, dans le bouillon vous trouvez des têtards. Connaissez-vous l'hôtel des Trois Canards? Dans le bistrot d'en bas, y a un billard. Mais on ne peut pas déjouer parce qu'il n'y a qu'une bille et ensuite il n'y a pas de queue. L'endroit discret n'est pas dans la maison, mais à côté de la cabane, au cochon, faut une bougie pour s'y rendre la nuit. Et s'il pleut, faut prendre un parapluie. On a bonne mine. On quitte l'hôtel disant c'est pas trop tôt. Et dans l'étable, on va chercher l'auto. Mais l'autre pivot, prenant ça pour du soin de votre bagnole à bouffer les coussins. Oh, connaissez-vous l'hôtel des Trois Canards? Quand on y va bien plus vite, on en part. Si par hasard, un jour vous y allez, tout comme moi, jamais vous n'y reviendrez. Un espagnol sévère d'une ouvrière au moulin de la galette fit la conquête. Il dit à sa compagne comme en Espagne: je m'en vais vous montrer un pas à la mode qui va vous charmer. Amoureusement, laissez-vous conduire gentiment, c'est la danse nouvelle, mademoiselle. Prenez un air canaille, tendrez la taille, ça s'appelle la maquiche, remuez vos miques, ainsi qu'une espagnole, joyeuse et folle. Dans sa chambrette, avant de faire dodo, cet hidalgo lui dit: belle mignonne, faut que je vous donne une deuxième leçon. En la nous et recommençons. Restez pas le mouvement afin que ça dure plus longtemps. C'est la danse nouvelle, la demoiselle. Prenez un air canaille, tendrez la taille, ça s'appelle la maquise, remuez vos miches, ainsi qu'une espagnole, joyeuse et folle. Pour cette danse excitante, très entraînante, je vous souhaite, messieurs, mesdames, du fond de l'âme, de pouvoir la danser 5 ou 6 fois de suite sans vous arrêter. C'est le bon moment, quand on est vieux, qu'il est plus temps. C'est la danse nouvelle, mais deux fois elle. Prenez un air canaille, petite taille, ça s'appelle la maquite, remuez vos miques, ainsi qu'une espagnole, des batignoles. Mon cœur espérant balcon. Sur terre, il n'est pas qu'une femme qui peut me donner le bonheur. J'allais peut-être faire un drame au lieu de rire de mes pleurs. Quand pour un visage entrevu, tout à coup, mon cœur ne bat plus. Seul dans la nuit, au long des rues, où que je suis, où que j'épie, allez-vous m'accorder un seul sourire, un seul baiser. Allez-vous dire les mots d'amour que j'ai tant espérés, seul dans la nuit. Cœur battant, je vous attends, car je m'ennuie toujours seul dans la nuit. On continue, on discute pas mal là. J'ai un charmant camarade. On a fait la guerre 39-40, non, 14-18 ensemble, je me trompe de guerre. Ah oui, on a un certain âge, ou un âge certain. Bon, trêve de plaisanterie, 14 heures passées de 53 minutes, il me reste une bonne heure, et on va écouter quelque chose, bien sûr, on va pas rester comme ça. On va écouter, si je mettais mes lunettes, vous voyez pas, à la radio, mais je mets mes lunettes. Je dis tout ce que je fais, hein. C'est la franchise même. Bon. Quand on met de la lunette, on enlève le casque. Donc on écoute Ray Ventura avec Lambeth Walk. Hein. Traduisez comme vous voulez. C'est pas du l'Auvergnat, mais ça vaut guère mieux. Ben, pourquoi c'est pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben on va changer de lecteur, c'est pas un problème. Hein. On va aller chez Internet, ils ont tout ce qu'il faut là-bas. On va écouter Mister Jeremy par Adrien Adrius. C'est aussi un gars qui a fait la guerre de 14 avec moi, dans les tranchées. Mr. Jeremy s'en va voir sa Suzy le samedi tout au fond du Kentucky. Il est très coquet, il porte un bouquet et des tas de paquets. Ah, j'adore énormément. Je vais en parler, ma chère Suzy. Tout va se dire si elle est seule aujourd'hui. Dans mes bras, je l'enlacerai. Mon amour, je lui ai fait. Monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce une panique? Mais non, monsieur, voyons, c'est le Lambeth Walk. Le Lambeth quoi? Mais vous ne connaissez pas le Lambeth Walk, la nouvelle danse à la mode? Oh, où sont les bons vieux quadrilles? De Londres cet hiver, vient d'arriver un nouvel air qui vous emporte, qui vous transporte et vous met la tête à l'envers. Puisque vous l'ignorez, je vais ce soir vous l'expliquer, car ce n'est pas très compliqué. Commençons la leçon, ça se danse très simplement. D'abord on marche un moment, puis brusquement on pousse un cri perçant.

parti avec ma classe pour venir ici faire mes 3 ans. Mon cousin me dit, il y a le fils Fidas qui va dans le même régiment. Tu devrais faire sa connaissance. J'ai fait comme avait dit le cousin. Et depuis que je sers la France, Fidas c'est mon meilleur copain. Quand on n'a pas eu de punition, on a chacun une permission. Avec l'ami Fidas, on ne se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef lieu du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne, et les bras ballants devant les monuments. Dis donc, Fidas, tiens, regarde un peu là. Oh. Dans les rues, on se promène, ça nous fait passer le temps. Voilà. Dimanche matin, il y a des bonbonnes, qu'elles s'en vont faire leur marché. Nous, on en connaît deux mignonnes, et on va les regarder passer. Pendant qu'elles sont chez la fruitière, en tapis noir, nous les regardons. Et de loin sans avoir l'air, on les suit jusqu'à leur maison. Elles se méfient pas, elles voient rien. Ça fait comme ça, on s'amuse bien. Avec l'ami Fidas, on ne se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef lieu du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne, et quand elles sont dans leur appartement, dis donc Fidas, tiens, regarde un peu là-haut. On regarde les persiennes, ça nous fait passer le temps blanc. On va souvent voir les gorilles au jardin des plantes, c'est curieux. Devant la cage à la cocodrille, on va passer 1 heure ou 2. Devant les singes qui font la grimace, pour le sûr on a des bons moments. Tiens, regarde un peu là-bas. Ah, le chameau va, jusqu'à ce que le gardien passe, qui crie, allez, on ferme, allez-vous-en. Et comme on peut pas rester là, j'ai dit, vieux, tu viens et on s'en va. Avec la Fidas, on ne se quitte jamais, attendu qu'on est tous un natif d'Arras, chef vieux du Pas-de-Calais. Et plus tard dans la vie, on dira sûrement ben, au régiment. Dis donc, Fidas, tu te rappelles quand tu faisais les... On a bien des orgies, on a bien passé le temps là. Je n'ai pas se déshabiller pour le prendre. attend à terre, mais au même moment comme elle enlevait, mes parents sont venus me chercher, j'ai rien vu, mais j'étais énervé, comme ma mère m'a dit, petit Gustave, à la nouvelle faut montrer la cave, la petite folle est. Je suis tout de suite descendue et j'y serais encore restée, mais ne me voyant plus remonter, mes parents sont venus me chercher. Provençale, adieu pays de mes amours, adieu cigalons et cigales, dans les grands pins, chantez toujours, barques aux douces couleurs, collines rousses de fleurs, au loin je pars, je vous laisse mon cœur. Eh oui, je parle pas beaucoup, mais vous avez reconnu Alibert, adieu Venise Provençale. Adieu pays, comme je ne chante pas. De mes amours, cher petit village. Alors, notre programme d'invités qui commence au mois de décembre, je n'ai pas pris pendant la canicule parce que j'étais monté à 42 dans les studios. Le 7 décembre, je recevrai Jean-François Bernard, très connu sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Le 14 décembre, ce sera Michel Vrabel. Alors, ça, c'est un ancien que j'ai invité peut-être il y a un an. Michel Vrabel, qui nous vient de Seine-et-Marne. Ensuite, Sylvie Futrac, qui nous vient d'un petit pays à côté de Vierzon, qui s'appelle Vieux-sur-Barangeon, dans le Cher. J'attends un peu, parce qu'elle devait voir son chirurgien opérer d'un pied. J'attends pour le rendez-vous. Ensuite, ce sera Nicolas Violet, si la date n'est pas encore fixée, mais avant Noël. J'espère Pierre-André, un de ces quatre matins. J'ai déjà venu l'an dernier, il n'est pas venu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah ben, les éternels, les mousquetaires, là, Charles Cassonnet, Thierry Monico et son sainte qui s'appelle Jacques Tauvin. Voilà, cherchez-le. Le programme pour d'ici les fêtes. Et je rappelle que le 9 novembre, Radio Arc-en-Ciel fête ses 35 ans, 34 ans d'existence. Autrement dit, elle est née en 1985. Si mes calculs sont bons. Non, c'est pour ça. Je connais quelqu'un à côté de moi qui fait la grimace. 34 ans. Il en a fait 15. Si, 85. Ah ben. Les anciens, hein? Adieu pays de... Et on écoute maintenant, j'ai repris le placeur au micro, j'avais un petit problème de technique. Je reprends ma place, donc on écoute Aglaé, le sauvage du Nord. Le sauvage du Nord, Aglaé. Me refuse. Évidemment, c'est pas ça. Ses vaches avec des bottes aux pieds qui faisaient la grimace tout le long de la rivière tombée de l'ori de l'ori de l'ori d'om. Les petits sauvages étaient couchés par terre, puis y en avait tout le dos de leur mère. Tu m'as aimé, puis je t'ai aimé. À présent, tu me quittes. Tu m'aimes plus, puis moi non plus. Ben nous sommes qui pour quittes. Tout le long de la rivière, tombé le lori, le lori, le lori d'om. Les petits sauvages étaient couchés par terre, puis y en avait tout sur le dos de leur mère. Rappelles-tu quand tu de Concane ou d'Écorce. En ce temps-là, tu faisais ton frais, tu me jetais sur les roches. Tout le long de la rivière, tombait le lori, le lori, le lori, dom. Les petits sauvages étaient couchés par terre, puis il y en avait d'autres sur le dos de leur mère. Le mouchoir que m'avait donné, ferme-le dans ta poche. Retire-toi de près de moi, que le sorcier t'apporte. Tout le long de la rivière, tombait le lit de l'ori, de l'ori, don. Les petits sauvages étaient couchés par terre, puis il y en avait tout sur l'eau de leur mère. Tu peux partir sans regret, je n'en aurai pas de peine. Mais si un jour tu revenais, je t'embrasserai quand même. Tout le long de la rivière, tombait le lori, le lori, le lori, dom. Les petits sauvages étaient couchés par terre, puis il y en avait d'autres sur l'eau de leur mère. Et on écoute ensuite chez Bébert, le monte en l'air, par Andrex. Gazer passait de 24 minutes. Où l'on tournait au son de l'accordéon, le plus peinard, le plus chouette, ce n'était pas celui du grand Léon, ce n'était pas celui de la Moque d'Orville, ni de Nénès à la gueule de travers. Le coin Mousson était le plus en famille, c'était le bistrot de Bébert, le monde en l'air. Toutes les nuits, avec leur régulière, les affranchis qui dansaient la java. Mais à présent, ils ont changé de manière, ils sont modernes et ne font plus ce truc-là. On ne danse plus la java, chez Bébert, le monte en l'air. On les swing du haut jusqu'en bas, chez Bébert, il est bien plat. Dès qu'on ouvre le bal, Lulu du Portugal, en agitant un doigt plus ses arpions. Et Jojo l'énervé, afin de lui prouver qu'il est swing de toutes les façons, lui colle aussitôt un main en flop. Mais personne ne s'inquiète de ça, chez Bébert, le monte en l'air. On les swing du haut jusqu'en bas, chez Bébert, il est bien plat. Zazou, avec Jules Olas de Pique, Paul le tatoué, Oscar le boutonneux, et petit Louis dit d'Afrique. On le fait vraiment pas mieux comme milieu, mais de temps en temps il y a une autre clientèle, des vrais pigeons, dit les vieux blas, venez. On a vu en train de se gaver. Ça manquait peut-être un peu de finesse, mais c'était assez bien trouvé. Chine, chine, chine, chine, je vois que tu chines. Fais-toi quelle buffée. Petit tour n'a pas déplu. N'avons-nous pas vu la gentillesse de la faire vivre un jour de plus? Chine, chine, chine, chine, oui, tu t'imagines que t'es le seul à bien parler. Chine, chine, chine, chine, moi je suis plus fine. Mes boniments ont bien collé. Mais t'as dit quelque chose qu'ils n'ont pas encore avalé. C'est Michel Arnaud, Marjolaine. Sur sa guitare, dans une rue pleine de brouillard, chantait, chantait une chanson que répétaient deux autres compagnons. Chantait, chantait une chanson que répétaient deux autres compagnons. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps fleurit. Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui je reviens près de toi. Elle avait dit, je t'attendrai. Il avait dit, je reviendrai. Elle était partie, encore enfant, elle est revenue un homme maintenant. Elle était partie, encore enfant, elle est revenue un homme maintenant. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, je n'ai pas menti. Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui je reviens près de toi. N'étais parti pour 10 années, mais 10 années ont tout changé. Rien n'est pareil et dans les rues, à part le ciel, il n'a rien reconnu. Rien n'est pareil et dans les rues, à part le ciel, il n'a rien reconnu. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps s'enfuit. Marjolaine, je sais trop bien qu'amour perdu plus jamais ne revient. Un inconnu, sa guitare ont disparu dans le brouillard, et avec lui ses compagnons sont repartis en portant leurs chansons. Et avec lui ses compagnons sont repartis en portant leurs chansons. Et on continue avec Maria Candido, et ce sera Je te le. Voilà, je te le lâche pourquoi. C'est un refrain de Provence, la chanson de mon enfance. Mon cœur n'oubliera jamais la joie qu'il me donnait lorsque je le chantais. Je te le lave et les bien, il lui que tu le serais le bientôt le long ma femme. Je te le lave et les bien, il lui que tu le serais le bientôt le long ma mie. Comme il y a l'âge de un amour sérieux commence. On trouve un gentil mari qui devant la mairie en bégayant vous dit: je te le lave le bien, dis-lui que tu le serais le bientôt lolo ma femme. Je te le lave le bien, dis-lui que tu le serais le bientôt lolo mamie. Mais après le mariage, fini les enfantillages. On s'énerve un peu parfois et monsieur quelquefois vous fait la grosse voix. Je te l'avais bien dit que tu serais un jour ma femme. Aujourd'hui je te dis que c'est moi qui commande ici. Comme il a bien changé le refrain et voilà, c'est le premier chagrin. Le soir pour s'excuser, monsieur vient vous chanter la chanson du passé. Je te le lave le bien, dis-lui que tu le serais bientôt ma femme. Et plus tard mes enfants, chanson de mon cœur. Je te le lave et les bien, dis-lui que tu le serais les bien, tololo ma femme. Je te le lave et les bien, dis-lui que tu le serais les bien, tololo ma femme. Eh bien, tout à l'heure, j'ai parlé de Nicolas Viollet. Nicolas Viollet abandonne le 31 décembre sa place de chef d'orchestre. Parce que il m'a dit qu'il en avait marre de payer des taxes. Et il travaillera donc maintenant comme accordéoniste avec les compagnons, du Musette. Voilà. Une nouvelle. Alors on continue. Ne vous inquiétez pas, c'est que je regarde Francky. On continue. On continue avec René-Louis Laforgue, La fête est là. On va vider toutes les tirelires, on va s'en payer un bon coup. Les ennuis ce soir, on s'en fout, la fête est là. Ce qu'on va rire, assiette au beurre, auto-tampon, boutique de bois, la fête est là. Qui s'installe en colimaçon, on y est chez soi, sans tralala. La la la la la la, vise et la baraque des lutteurs, les biceps sont à la parade. Allez-y donc les amateurs, les filles aiment bien la rigolade. La la la la la la, on va vider toutes les tirelires, on va s'en payer un bon coup. Les ennuis ce soir, on s'en fout, la fête est là. Ce qu'on va rire. La femme poisson et la femme tronc, elles prennent la ville par-dessus la jambe. Et pour 20 balles de l'illusion, c'est une vraie corvée d'étringombe. La la la la la la, y'a les manèges qui tournent en rond, y'a les jupons qui volent au vent, y'a les durs qui font un carton, y'a les mous qui regardent tout content. On va vider toutes les tirelires, on va s'en payer un bon coup. Les ennuis ce soir, on s'en fout, la fête est là. Ce qu'on va rire. Tard dans la nuit, on prie boutique. Les roulottes s'en vont tranquillement au long des routes chaotiques, distraire d'autres bonnes gens. La la la la la, à leur place, il y a des papiers gras, des confettis sur le pavé. Et dans le noir, le bruit des pas d'un couple qui marche en la c'est pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Les trois bandits de Napoli, tout doucement ils descendaient de la montagne pour aller au ravitaillement. Car Pardi, au bout d'un moment, marquait la faim, elle vous ténaille les entrailles. Le plus petit marchait devant, car le pays il est infesté de gendarmes. Au moindre bruit, au moindre vent, on l'entendait claquer des dents. C'était sa façon de donner l'alarme. Derrière venait le second, armé d'un bon vieux tromblon. Le troisième n'était pas loin de rebrousser chemin. Les trois bandits de la police, tout en tremblant, se dirigeaient vers le village. Avec le fruit de leur rançon, ils allaient faire leur commission, chacun avec un petit filet à provision. Imaginez la panique dès qu'ils firent leur apparition. On ferma toutes les boutiques, on boucla toutes les maisons. Ils ne trouvèrent, c'est tragique, pas le moindre petit bouton. Pour ne pas manger des briques, il n'y avait qu'une solution. Les trois bandits de Napoli, tout en pleurant, s'en sont allés chez les gendarmes. Bonjour monsieur le brigadier, on se constitue prisonnier, pour que la faim il nous tenaille des entrailles. Alors c'est vous, les trois bandits, c'est vous les sosses qui attaquez les diligences. Mais vous me prenez pour un enfant, j'ai justement leur signalement. Je vais vous apprendre à vous moquer des gens. Vous êtes trois imposteurs, mais malgré tout j'ai du cœur. Mangez donc ces spaghettis et fichez-moi comme d'ici. Les trois bandits de Napoli, tout en chantant, sont remontés dans la montagne, en emportant une saucisson, deux parmesan et trois jambons, ainsi que la femme du gardien 7 de la prison. Car pour aider les bandits, les trois bandits de Napoli, il n'y a que la gendarmerie. Vive les gendarmes et la marée chaussée. Et vive les gendarmes, maintenant qu'on a mangé. Maintenant qu'on a mangé. Pipom, pipom. Pipom, pipom. Pipom, pipom. Pipom. Monsieur l'abbé déjeune au château. N'allez pas non plus jouer au proverbe avec les bergers aux tendres flûtions. Et je vous défends, vilaine petite, nue dans la rivière au milieu du bourg, de dire aux pêcheurs, je suis une truite, me pêche qui veut m'apprendre l'amour. Les yeux baissés, les genoux serrés, faites de la dentelle, faites de l'aquarelle, de la tapisserie, de la pâtisserie. Mais n'allez pas surtout courir le guille doux avant de prendre époux. Avec Ferdinand, vous n'êtes plus d'âge à vous trémousser folle sur ses genoux. En lui agaçant le bout des moustaches pour voir si ça pique ou bien si c'est doux. Et quand vous sentez son trouble, Julie, ne demandez pas d'un air innocent. Cousin, dites-moi si je suis jolie et si je fais plus de mes 18 ans. Les yeux baissés, les genoux serrés, faites de la dentelle, faites de l'aquarelle, de la tapisserie, de la pâtisserie. Mais n'allez pas surtout courir le guille doux avant de prendre époux. matin, Julie, blanche à la chapelle, devant la famille, vous direz ce oui qui vous livrera aux timides gazelles, aux tendres assauts de votre mari. Dès le lendemain, vous serez tranquille, je ne serai plus là pour vous gronder. Vous pourrez alors, femme d'imbécile, prendre autant d'amants que vous le voudrez. Oui, seulement en attendant, les yeux baissés, les genoux serrés, faites de la dentelle, faites de l'aquarelle, de la tapisserie, de la pâtisserie. Mais n'allez pas surtout courir le guille doux avant de prendre époux. Les Peter Sisters, les Peter Sisters, c'est-à-dire les frères, les soeurs, les soeurs peut-être. Ça va, ça va. Oui. Il faut que ça va, il faut que ça va pas. Ça va, ça veut dire... Ah, n'oubliez pas, hein, tous les fans de l'émission à Francky. Dans quelques minutes, je vais laisser la place toute chaude à Francky pour son émission After Job Bar. Y'a du soleil qui pointe à l'horizon. C'est que ça va, ça va, ça va. Ce petit refrain devient d'une obsession. C'est que ça va, ça va, ça va. Et dans la rue de mon chat, c'est là. C'est que ça va, mais comme ça. Pourquoi monsieur se perdonner ses temps et s'enchanter? Détendez-vous un tout petit peu heureux, c'est lui qui veut. Nous avons tous ainsi un plein cœur qui projette le bonheur. Ah madame, ça va? Ça va, ça va. Et vous monsieur, ça va? Mais non, on n'est pas loin, mon cher loin de tout. François de Gaulle. On est tout près. Un peu perdu surtout, loin de vous. Tout me fait mal, tout à rien blesse mes yeux. Je ne suis jamais si seul que dans la foule. Loin de vous, tout ce ciel bleu m'ennuie. Loin de vous, j'aime encore mieux la pluie. Loin de vous, je veux que tout ait la couleur de mes pensées. Loin de vous, je me sens loin du monde.

tes mains. Donne-moi l'espoir dès le lendemain. Et jamais rien ne finira. Si tu savais ce qu'il y a en moi. En moi y a des morceaux d'enfance, des trucs de môme tout en cristal. Et puis ça n'a pas d'importance. Viens mon amour, ouvrons le bal. Ma vie s'éveille auprès de toi. Un peu plus tard, tu comprendras. Y a tant de mal et tant de pleurs, tout peut revivre au fond du cœur. Je te dirai des tas d'histoires, tu seras seul dans ma mémoire. On est deux gosses comme autrefois. Si tu savais ce qu'il y a en moi. Oublie les ombres du passé. Fais comme si l'amour c'était vrai. Ma vie s'éveille, ma vie s'éveille, s'éveille, s'éveille, s'éveille. Ma vie s'éveille, ma vie s'éveille, pardon. C'était Varel ébahi. Alors, est-ce que j'ai le temps? Oui, peut-être. J'ai le temps de passer le dernier morceau, de le commencer. Quel temps fait-il à Paris? Je pense que c'est le même temps qu'à Orléans, c'est Frédérica. On se quitte ensuite, on se retrouve samedi, bien sûr, pour l'accordéon. Le petit bal du samedi soir, de 16h à 18h. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, et à fort bientôt. Quel temps fait-il à Paris? Le ciel est-il noir ou gris? Vous m'avez dit quand il pleut à Paris, c'est tout bleu. Ça n'était pas très sérieux. Regardez, on va couper la musique, tant pis. Hein. On respecte les horaires vis-à-vis des auditeurs. Donc rendez-vous samedi 16h-18h, le petit bal du samedi soir, et dimanche 12h30-15h, l'accordéon de nos régions. Francky, c'est à toi dans quelques petites secondes. Voilà. Vous êtes loin des vacances. There comes a time. We heed a certain call, when the world must come together as one.